se serait passé là. Croyez-moi. Et je trouve inacceptable que l'on diminue, que l'on traite ainsi des enfants. Ils sont à la recherche, là. Et on les met au monde dans une poubelle. Hey, ça c'est bon, c'est la terre. On appelle ça la terre, mais hey, mon petit Gaétan, c'est la terre. Ouais, je sais, là. Non, respire pas trop, là. Ouais, je t'ai acheté de l'oxygène. Non. Ben, je t'aime tellement. Hey, je t'ai mis au monde. OK. On va respirer ensemble, mais c'est parce que Ben oui, t'as une priorité parce que je t'aime tellement. Enfin, lui, il aime son enfant. Imagine le gars qui a voulu faire un enfant avec cette affaire-là. Ça s'est pas fait normalement, là, tu sais. Hey, bonsoir, la PSS. Mon nom, c'est Gaétan Brisebois. Je me suis acheté un gros magasin de musique, moi, là. J'ai à vendre des pianos à queue, des trompettes, des trombones et des rivanes. Des rivanes. C'est des rivanes. Ouais, j'invente des instruments de musique. Moi, là, écoute, là, j'en fais de l'argent, moi, là. Puis je te trouve pas mal, là, tu sais. Pas mal flou, là. Hey, la tequila est en spécial. Veux-tu t'amuser avec moi, toi? Gossip, j'ai Tim Horton pour savoir qu'est-ce que la gossip. Café dub-dub avec trois timbits, m'gossip. Pas de drive-thru, tu manquerais toute la gossip. Juste avoir la gossip. Gossip. Tous les matins quand c'est les portes rouvrent, gossip. Mets mes belles hâles, prends tes drive, gossip. Rain or shine, top shape ou malade. Gossip, gossip. Ah ah ah, ça n'a pas d'allure. Ah ah ah, ça n'a pas d'allure. Ah ah ah, ça n'a pas d'allure. T'as-tu vu l'allure, t'as-tu vu l'allure. Well, Sainte-Bénite, on a retenu vu. Well, ah ah ah, ben ça se peut-tu. As-tu vu ci, as-tu vu ça. Savais-tu pour ci, savais-tu pour ça. Pour chaudier rendu au foyer, gossip. Allez pas méchante, allez juste à Nantes, gossip. Y'a bongé son orignal, y'était fou comme la marde, gossip. Gossip. Ah ah ah, ça pas d'allure. Ah ah ah, ça pas d'allure. Ah ah ah, ça pas d'allure. T'as-tu vu l'allure, t'as-tu vu l'allure. Well, Sainte-Bénite, on a retenu de vue. Well, ah ah ah, ben ça se peut-tu. As-tu vu ci, as-tu vu ça. Savais-tu pour ci, savais-tu pour ça. Bon, j'ai pas pu, j'en ai plus, hein?

keep me at home, and the witchcraft that you're putting on me is a patch on a wrap that is far out to sea. Pass me the bread and the brown sugar cubes, and I'll butter your toast while you take off your shoes. The coffee is warm, but it's not too good. Or maybe it's misunderstood like me. Oh honey, can't you see? I wanna hold you like a sloth hugs a tree, 'cause I crave you like a glass needs wine. But I'm worried that I'm wasting your time. Let's take a stroll to the end of the street. Put your hand in my pocket so the neighbors can see. I want them to see, I want them to see. Oh Lord, let them see. You can buzz all you want, they don't hear you like me. I'm a fly on the wall and you're the queen of the bee. Tea leaves, I'll butter your toast while you're taking it easy. Martini's honey, 'cause it's not so good. And who cares if I'm misunderstood, 'cause I love you like my mother loves me. I wanna hold you like an ant climbs a tree. Let's take a stroll to the end of the street. I'm a fly on the wall and you're the queen of the bees. Ah, je vous propose la chance aux chansons, l'homme véhément, l'être extraordinaire, l'humaniste, un auteur, un compositeur, un interprète, un homme de télé, un homme de radio, l'être tout azimut, Didier Ouvrard. À toi, mon ami. Je suis grise. Et puis quoi? C'est mon droit. Quand je bois, c'est par crise. Au hasard du cafard. Savent-ils tous ces gens qui se croient intelligents, qu'on a l'air méprisant? Ils m'insultent. On est ivre de douleur, bon, mais si l'on boit pour oublier, on est plus digne de pitié. On vous jette au ruisseau, ça fait rire les badauds. Et si quelqu'un là, dans la foule, me plaint, j'entends soudain, oh, elle est saoule. J'avais un cœur pourtant, une âme douce et tendre, et pour un seul amant, tout est réduit en cendres. Alors que m'importe la vie, laissez-moi crever comme un chien. Pour moi, l'existence est finie. Mon cœur est mort. Je n'y peux rien. Grise, je suis grise. Et puis quoi, c'est mon droit. Quand je bois, c'est par crise. Au hasard du cafard. Thank you. cherche un travesti. Ah oui, mais non, c'est Pigalle. Comment ça va, ça va? Hey, vraiment, tu ne changeras jamais, hein? C'est bien, c'est bien. Pourquoi? Non, mais les travelots sont en bas, pas en haut. Oui, j'ai vu, mais voilà, j'ai d'en avoir quelques-uns, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Sinon, ça va? Les travaux, il y en a plein dans le quartier. Oui, ben oui. Hey, ça fait longtemps. Ben oui. Une bonne dizaine d'années. J'ai l'impression, oui. Ouais. Ah, je fais le problème, ça fait du mal, hein? C'est bon, on va pas changer, justement. Ça, mais ça, pourquoi ça fait du mal? Ça, ben ça, coûtera trop... ça coûtera trop cher de changer un autre. Non, non, mais on est rendu rempli de sagesse. Oui, bien sûr. Peut-être pas cet après-midi, mais... Jamais. Non, non, il n'y a pas d'heure pour être sage. J'ai sûr qu'il n'y a pas d'heure pour faire des bêtises. Non. Oh! Je suis content de te voir. Ben moi aussi. On va passer un bon moment. Ça fait tellement longtemps que... Merci, je cherchais. Que l'on ne peut pas... Moi-même, je... Je peux fumer une cigarette? Ah, t'as arrêté de fumer? J'ai arrêté, j'ai repris. Okay. Ma vie n'est qu'un yo-yo. Ben c'est bien ça. Ben c'est la vie en général. Je yoyote de la mansarde. Non, mais c'est la vie en général. Ben oui, ça ressemble à la vie. Ouais. C'est un raccourci. Ouais. T'as raison. Qu'est-ce que j'avais... Tu tournes maintenant? Pardon? Oui, tout est... Oui. On perd absolument rien. À quoi... Qu'est-ce que je... En quoi je puis-je t'être utile? Ben, si, on va passer un bon moment à manger, à parler de... À parler de musique, de chansons, de spectacles, de variétés, de ce qui te fait depuis le début. Là, tu cherches ton briquet, là. De ce qui m'a... Oui. Ma bite et mon couteau sont ailleurs, mais... Ben oui. Je vais dire des gros mots pour t'obliger à couper un peu. Non, mais tu devrais mettre au moins ton briquet dans une poche, c'est déjà moins compliqué. Ouais, je sais, mais j'ai plusieurs... Ah, OK. Enfin, bref. Oh, oui. J'étais en famille, là. Ah oui, oh, OK. Mm. Ici, à Pigalle? Non. Okay. Non, j'ai que des cousines ici. OK. Ah oui, oui. Et Mais t'es en voiture, t'es pas en... Non, je suis en voiture. OK. Oui. J'étais dans le Vexin. Oui. Baptisé une petite nièce, je suis grand-oncle. Oh, félicitations. Ouais, ça fait un grade. Donc c'est le baptême samedi. OK. Et t'étais invité? Ben ouais, c'est ma petite nièce. Ah oui? Ben oui. Et là, tu étais en vacances? Je suis le grand. C'est tonton Ronchon. Oh, oui, Ronchon, qu'on aime bien, voilà, ouais. Un vrai Ronchon. Qu'on aime bien avoir pour. Comme oncle? Comme tonton? Pour. Ouais. Pour mettre un peu le bordel, quoi. Il faut bien. Ce qui ne manqua pas. Non, ben j'en suis certain. Je me suis bien éclaté. Ah, ouais, ben tant mieux. Tant mieux. Voilà, petite Nina. Si, sinon, tu étais en vacances? Tu es en arrêt? Là, je suis un petit peu en vacances. Ok. J'avais mis une petite semaine là à prendre. J'ai un peu bougé parce que le jour du baptême c'était un peu décalé. Mais c'est peut-être un avant-goût. Non, les vacances seront en août. Ok. En août. C'est un avant-goût. C'est un avant-goût. Ouais. Une mise en bouche. On a, on a tellement mangé et ripaillé. Tu te prépares à la grande semaine où tu. Au grand rush du mois d'août, tu crois? Ouais, c'est ça. Là que le mois d'août sera plus doux. Parce que je viens Là, on est bien, là. Hier, oui, c'était plus costaud. Mm. Hey, j'aimerais qu'on revienne, parce que quand je suis arrivé ici, il y a 10-11 ans, avec mon émission, c'était pas des magnétos professionnels. Bonjour, monsieur. Vous avez les plats du jour juste là. Parfait, merci. Alors, c'était pas aussi solennel que maintenant, puisque là, j'ai des micros professionnels, et le son est numéro 1 et de haut niveau. Donc, j'aimerais qu'on recommence avec la chance aux chansons, si ça te dérange pas. Si ça te fait plaisir. Rien ne me dérange. OK. Alors, aussi parler de ton enfance. Tu es né en France? Je suis né en France, ça ne se voit pas. Hein. Ben, à peine. Au Maroc, on m'a pris pour un Algérien. Ah, ben, J'ai adoré ça. Oui, c'est bien. Je voyais même pas de différence entre ces deux peuples, mais eux, on trouve apparemment. Je suis né en Vendée. Donc Et tu restes encore là? C'est en France. Je suis retourné en Vendée, oui. Mm. Oui, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais déjà en Vendée, reparti. Oui. C'était un an après la mort de celui qui était mon patron à l'époque, on en reparlera. Oui. Et je suis né en Vendée. Pourquoi tu as décidé de quitter une fois que la chance à chanson a fermé ses livres? Parce que faute de combattants, mais voilà. Et le combattant, c'était Pascal. Ouais. C'était la figure emblématique. Il portait l'émission, le nom de l'émission sur lui. Alors on a essayé, tu le sais bien, tu m'as même beaucoup aidé là-dessus. Ouais. On a créé un petit mouvement qui s'appelait Génération Chanson, ouais. Pour lequel je me suis énormément battu avec quelques amis que tu. Que je connais. Que tu rendras. Voilà, Isabelle, et que je rencontre Guylaine, aussi. Oui. Bon. Et beaucoup d'autres qui ont signé une fameuse pétition. Mais. ça n'a pas suffi à ouvrir les portes. France Télévisions avait... était quelque part bien contente de pouvoir se débarrasser de Pascal. Je ne sais pourquoi. Bah parce que ça permet de rajeunir un peu les cadres. Mais ça, c'était gens. On mais, a bien vu. Non, mais ça, c'était une émission essentielle. C'était une émission où tout le monde pouvait se greffer une fois par jour à la télévision. Oui. Et c'était aussi une invitation entre l'animateur et les spectateurs. Oui. Et les téléspectateurs. Oui. Donc, il y avait comme cette au quotidien, c'était d'ouvrir notre télévision et de rencontrer notre meilleur ami. J'en conviens et je suis certain que tout ça a fait quand même quelques émules. Je rencontre encore, là ce week-end j'étais assez étonné, des jeunes de 25 ans, à peu près dans mes âges, quoi. À qui j'ai fait découvrir quelques chansons, mais qui adore aujourd'hui Colette Renard ou Patachou, voilà, et puis des chanteurs ou des chansons célèbres. Et voilà, tout n'est pas complètement perdu encore dans ce moment. Non. Mais toi, tu as commencé à te mêler à l'univers artistique à quel moment dans ta vie? À 18 ans. Je n'ai pas encore quitté ma province. Comme le chanteur Aznavour. Ouais, ben voilà, c'est ça. Exactement. un peu avant cela, d'ailleurs. À 16 ans, j'ai dû commencer à rentrer en apprentissage dans une imprimerie. J'ai pris beaucoup de soin à rater mon apprentissage. Mais le patron était très gentil de me garder après. Non, j'aimais pas ça. Mais bon, c'était un beau rapport avec les mots, les lettres. J'étais compositeur. Ouais. Je composais à l'aide du compositeur, la fameuse case, lettres. Ouais. Cette jolie distribution. Je suis resté jusqu'au jour de l'élection de Mitterrand, quand il a libéré la bande FM. Les radios libres se sont déployées. Non, c'était en Vendée. Okay. Non, mais c'était en Vendée, parce que j'étais Vendéen. Oui, c'est ça, c'est le début des radios libres. J'ai claqué madame à l'imprimerie. Entre-temps, j'étais allé déposer une proposition à Alouette FM. Maintenant, on a retiré le FM, mais c'était Alouette FM. Et j'ai fait quelques animations de extérieur. C'était l'été, de la fête à la sardine, avec Daniel Gilbert, la fête de l'Andouillette avec Miss France. Enfin, j'ai fait des choses comme ça. La fête de la moule avec Villard. Enfin bon. Andouillette et Miss France, j'adore. Hein. Ah oui, mais le raccourci est sympa, mais j'adore les raccourcis. Oui. Puis un jour, ils m'ont demandé si je voulais faire des matinales. Je pense que c'est ce que je voulais. Donc voilà, je suis allé faire le bonjour. Et ça a duré presque 10 ans. En 92, ils se sont choisi de changer de ligne éditoriale. Donc il fallait se débarrasser des vieux cadres. Toujours avec toi. Dont j'étais, j'ai pris le pognon et je suis parti. Ouais, c'est bien, il faut être rusé. Hein. Parce qu'on dit tout. Bah ouais. Et je suis parti, et un an après, il faut que je retrouve quelque chose. Et j'ai eu là le réflexe d'appeler un ami qui était à l'époque directeur de l'antenne de la radio, qui m'aimait plutôt bien, je crois. Et l'après-midi, je regardais, petit retour, je regardais les émissions de Sevran. Je me disais, mais ce mec qui aime l'accordéon comme moi, qui aime les vieilles chansons comme moi, en fait, c'est moi qui les aimais, en tout cas, nous les aimions. Il faut que je le rencontre, je veux le rencontrer. Point barre. Raccourci terminé, je reviens vers mon copain ancien directeur d'antenne d'Alouette qui me dit tu fais quoi maintenant? Ben, j'ai rien, je m'emmerde un peu. Je rêve de rencontrer Pascal Sevran. Il me dit, mais tu déconnes ou quoi? Non. C'est moi qui réalise ces émissions à Radio Monte-Carlo. Et tu le savais pas? Non! Mais à chaque fois, les planètes étaient alignées d'une manière. C'était magistral. Dans un grand café de la plaine blanche, Fermat rassemble le soir, offrir aux clients la poudre blanche qui les fait rêver leur espoir. Bien qu'est-ce que c'est d'une minilette, à son amour, c'est la première fois. Que j'envoie dire depuis mon assiette, il répond non, ce n'est pas pour toi. C'est la coco, drôle maudite, que l'on brise passionnément. Allons en pas, faire petite, pour ne pas flétrir ses 20 ans. Elle donne, c'est vrai, un peu de joie. mais c'est pour mieux nous conquérir. Et là vient tout, on est sa proie, et la gueuse vous fait mourir. Mais l'amour, ça passe, c'est l'ouvrière. Que pleurer, depuis qu'il est parti, que va-t-elle faire? Quitter tout le travail d'atelier, c'est assez, je vais faire des bêtises pour mon chagrin finisse aujourd'hui. Si je prenais de la neige, paraît que ça grise, personne serait là, alors je lui dis, c'est la coco. Drogue maudite que l'on brise passionnément. Allons par en bas, serre petite, pour ne pas plaisir ses 20 ans. Elle donne ses vrais un peu de joie, mais c'est pour mieux vous conquérir. Et là bientôt, on est à moi. Et la gueuse vous fait mourir. Démissionné de l'imprimerie, 2 jours après je rentre à la radio. Je quitte la radio, j'appelle un mec, c'est celui qui réalise ce vent que je voulais rencontrer. Donc, je t'invitais, je vais lui poser la question, parce qu'attention, pas simple pépère, il m'a dit d'autres termes plus crus, mais j'ai dit, ça me dérange, ça me dégoûte pas du tout de le voir comme ça, en lisant. Mais par contre, il faut que tu te positionnes sur Paris. Donc, j'ai quitté donc, la Vendée, je me suis installé dans la famille vendéenne, enfin, ouvrard de mon côté parisien, et j'ai vu que là, quelques mois, là, j'ai pu rencontrer Sevran un soir, il m'a fait savoir par mon copain, c'est le moment ou jamais, si ton ami veut venir à RMC, j'enregistre quelques émissions. Donc je suis allé, on s'est rencontré là, il m'a testé, je suis allé plein de fois. Il m'a testé. J'ai fait le blind test avant même que le terme n'existe là-bas. C'est-à-dire, on a parlé beaucoup chansons, accordéon. D'après toi, les accordéonistes, aujourd'hui c'est qui, quoi, comment. Et puis j'ai parlé de toute cette nouvelle génération, puis du jazz manouche, l'accordéon. Un peu voyou, le musette, il a vu que j'étais impliqué, que j'aimais. Tu connaissais ton... Ouais. Et il me dit, mais tu attends quoi de moi, mon garçon? Moi, je travaille avec toi. Et là, je vois deux de ses collaborateurs qui me fusillent. Et j'ai appris plus tard que je l'avais tutoyé. Ah oui, okay. Mauvaise, à Malaisian. Tu l'as osé le tutoyer. Pourquoi, moi, les gens... Non, j'ai le tutoiement facile et d'une, puis, et les gens que j'aime, qui font partie de ma vie, et il en était. Parce que j'ai un peu midi d'être, moi, je regarde une vedette et je pense qu'elle est à moi, tu vois. Donc voilà, ça marchait en réalité, parce que, entre temps, j'étais un peu redescendu en Vendée parce qu'il ne se passait pas grand chose. Et un dimanche après-midi, c'était un 24 février, mon père chassait, ma mère, j'étais avec maman. Et, la fête du Québec, en passant. Dimanche. En février, au Québec, excuse-moi. Et coup de fil, voilà, c'est Pascal Sevran, mon garçon. Tu veux toujours travailler avec moi? Je dis, ouais. Demain à 15h au but de Chaumont. J'ai chargé la Renault 5. Ouais. Et j'étais à 15h là-bas. Il faisait la promo chez Vincent Perrault, qui animait les après-midi aussi, sur la chaîne d'en face, et du même groupe. Et donc, il faisait la promo d'un album, ses albums, son dernier album. Et on s'est rencontrés là, il m'a présenté l'équipe. On est en quelle année? 1992. On est en 92. J'y suis resté. J'ai gravi les échelons. Je suis devenu programmateur des accordéons, plus programmateur des émissions. Et qu'est-ce que ça veut dire, un programmateur d'accordéon? C'est-à-dire que c'est toi qui choisis les accordéonistes qui seront... Mais... OK. Voilà. Et toi, comment fais-tu pour les rencontrer? Tu fais des appels, venez me voir, j'aimerais auditionner. J'avais déjà mes réseaux, j'étais... Ok, t'avais un réseau. Oui, tu sais, moi déjà, je collectionnais tout. J'ai plus de 10 000 numéros de téléphone dans mon smart. Ouais. Et je ne peux pas m'en séparer. Ils me suivent depuis tout ce temps-là. Je ne suis pas un malade, mais je suis un peu psychorigide là-dessus. Je vais pouvoir appeler Alain Delon tout de suite si je veux. Je peux. Je ne le fais pas, évidemment. J'ai rien à lui dire ou à Brigitte. Mais j'aime avoir cette sensation est là. Ouais. Bon. Et donc, j'avais gardé tous les numéros d'accordéonistes. Je connaissais voilà, déjà plein de contacts. Et c'était les contacts que lui-même avait, Pascal. J'avais eu ça parce qu'à la radio, je fouillais, je cherchais beaucoup. Je faisais aussi des interviews. Donc voilà, ça m'avait ouvert une espèce de porte qui m'a permis d'accéder à chez Sevran. Voilà. Donc, et par la grande porte. Oui. Et j'ai programmé les accordéonistes. Au début, et puis quelques, ensuite quelques émissions folkloriques. Donc je faisais venir tous les folklores de France à Paris. Pareil pour les fanfares, les bandas, enfin des trucs hyper compliqués, des chorales, on peut dire 30 chorales tout à coup. Donc tout ce que je vois aujourd'hui, les 300 chanteurs, les chorales pour sur France 2 ou France Télévisions, je les ai faites moi déjà ça, mais dans notre concept. Avais-tu la carte Pascal, est-ce qu'il disait je te laisse carte blanche, tu m'amènes qui tu veux? Alors, il y avait un petit conflit interne, parce qu'il y avait deux, trois programmateurs. Donc ils m'ont vu arriver, celui-là il va prendre la place d'un de nous. Ah, il n'y avait pas, ouais. Et le directeur d'antenne, quelqu'un d'extrêmement talentueux, une richesse intellectuelle, qui est un sale con, me quand même. Dire. Mais ouais, non. Qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, je fais un entrecôte grillé, bleu. Je vais éviter la viande, je voudrais que des légumes quelque part. Ouais. On peut mettre des légumes dessus, mais... Non, mais je veux pas de viande, s'il vous plaît. Vous avez une salade, s'il vous plaît. Ah, bah là. Oh, il y a des pâtes. Et je prendrais aussi un pignon. Petit verre, un verre. Et l'intermédiaire? C'est 14 centimes ou 21 centimes? Pas une double, s'il vous plaît. Un risotto de gambas. Allez. Comme boisson pour nous. Pardon? Comme boisson. Ah, comme boisson. Je vais prendre un blanc. Un vin doux, frais. Hein? En doux, qu'est-ce que j'ai? J'ai un macon. Un macon, stop, c'est bon. Ouais, ouais. Pas compliqué. Non, j'ai pitié de lui en réalité. Ah ouais. Non, mais il a bien tombé. Il suffit de demander pour être bien servi. Ouais. Alors, on revient à nos moutons. Alors, un jour en réunion, Pascal fait tour de ses programmateurs. Si tu veux, on faisait des grandes réunions de programmation avec un calendrier qui était 6 mois en avance sur le calendrier classique, parce qu'on prévoyait bien sûr la Toussaint tombe tel jour, on va faire une émission, hein, Noël, tout ça, donc on avait besoin de poser un peu, et puis également nos grands classiques qui marchaient très bien. Quand les courbes d'audience baissaient un peu, on savait très bien qui on devait remettre comme artiste pour faire remonter l'audience et redémarrer. On fait un petit peu de kérosène quelque part. Et puis, donc un jour, en préparation de réunion, il fait un tour de table, il arrive à moi et vous, ouvrir. Qu'est-ce que tu me proposes? Et là, je sais pas quel génie était sur mon épaule, je dis, mais j'aimerais, ça serait bien de faire une émission avec les orchestres de France, avec des grands orchestres, orchestres un peu cradouille, tu sais, avec une gouailleuse, et puis un orchestre un peu classe, genre cocktail et tout. Formidable, tu m'en fais pour une semaine, ta carte blanche, vas-y. Cinq émissions. Mais attends, quand on te propose 5 émissions, tu as combien de semaines de travail pour... J'ai eu 3 semaines. Ok. J'ai eu 3 semaines. Et là, bien sûr, le directeur de la programmation a commencé à faire la gueule. Ouais. Il m'a mis plein de bâtons dans les roues, mais ça m'a renforcé. Ouais. Bon, sinon, on en meurt. Ouais. Mais c'était assez immonde, hein, l'ambiance. Très glauque. Et j'ai appelé toutes les régions, les grands orchestres, et puis d'autres m'ont amené à dos. Voilà. Quelques accordéonistes m'ont conseillé. Et un jour, voilà, l'autre, qui ne m'aimait pas trop, me demande, tu me présentes moi tous les orchestres que tu veux mettre dans ce programme. Donc j'ai mis tout dans des pochettes craft, ouais. Le nom, la région, l'appartenance, combien de musiciens, si c'est du live ou du playback. Bon. Et je présente une quarantaine d'orchestres. Quoi. Il était sur le ventre. Pour pas en dire ailleurs. Sur le cul. Ouais, parce que j'ai fait mon truc. Ouais. Voilà. Donc, on a fait mes 5 semaines mes 5 jours d'enregistrement en 3 jours de tournage. J'en ai bavé parce que là, j'ai vraiment. Mais c'était absolument formidable. Mais c'était là, pas du direct, hein? Ouais. whisky soda, affiné vodka, gin et cumel, tous les cocktails, soda, whisky et martini, cumel et gin, God save the king. Un vieil anglais, couleur de brique, sortant de chez Maxime un soir, moralisait son fils unique en trébuchant sur le trottoir. Mon fils, disait-il, c'est notoire que nous n'aimons pas le sirop. Des verres de gin, tu peux en boire, mais n'en bois pas un verre de trop. Mon père, lui dit le jeune homme, en ouvrant un œil ingénu, je veux obéir à mes ensembles, comment savoir qu'on a trop bu? Y a-t-il un moyen, mon père, un moyen sûr et raisonné, de savoir quand on boit des verres, qu'on a un verre de trop dans le nez? Mon fils, tu vois sur la terrasse ces deux messieurs se promenant. Eh bien, si j'étais un peu schlasse, j'en verrai quatre maintenant. Le jeune homme eut envie de rire, mais vite le respect le retint. Ces deux messieurs, faut-il vous dire, cher papa, qu'il n'y en a qu'un. Un whisky soda, un fine vodka, un gin et cumel, tous les cocktails, soda, whisky et martini, un cumel et gin, God save the king. La chanson-chanson, est-ce que c'était du direct? Non, l'émission était enregistrée. Okay. Et les artistes intervenaient beaucoup en direct, quelques-uns en playback, ils ne pouvaient plus... Tu sais, quand on allait réveiller une chanteuse qui était retraitée depuis 30 ans déjà à Monaco, Rina Ketty, pour parler de quelqu'un, Rina Ketty, elle est venue faire Sombrero Diamanti avec sa voix de ses 40 ans. Naguère. Et elle en avait 50 de plus, quoi. Mais voilà, c'était le côté un peu kitsch de l'émission qui faisait qui fonctionnait. Je ne pouvais pas être. Ouais. Et donc là-bas, j'ai pris mes galons de programmateur et j'étais programmateur à part entière. Le pas gentil qui ne m'a pas beaucoup aidé à quitter l'émission. Ça s'est assez mal passé. Et puis voilà, je suis devenu un programmateur jusqu'à la fin. Et ça, en fait, programmateur, c'est être à côté de Pascal, c'est être son bras droit. C'est faire le plein de chanteurs, déjà, en fonction des thèmes qu'on a choisis. Bien sûr, il y a un moment donné qu'il il regarde le programme. Donc, il faut savoir répondre, c'est quoi lui, ça vient d'où, Donc, oui, voilà, faire le plein de chanteurs, c'est pas très joli comme terme, mais non. J'en voyais pas d'autres. Ouais. Alors, c'était des émissions de 35 minutes ou de 43, parce qu'on avait aussi des programmes en accordéon, déjà. Voilà, selon le programme qui nous précédait ou nous suivait à l'antenne, nous étions la seule émission sur laquelle la chaîne pouvait demander de retirer 10 minutes ou d'en faire 30 de plus. Oui. Mais 30 de plus, si c'est enregistré, comment tu peux faire? Eh bien, voilà. Vous aviez des bonus. On avait déjà ce qu'on appelait du marbre, ouais. des chansons surtout dans qui correspondaient au thème qu'on avait, ah oui. qu'on avait travaillé. Et là, on injectait. On rediffusait, si tu préfères. Ouais. Pour certains, c'était la première diffusion qu'il attendait depuis longtemps, l'artiste. On était heureux de l'appeler, lui dire. Voilà. Parce que souvent, tu devais retirer certaines chansons parce que ça débordait. Oui, bien sûr. Oui, alors là, c'est une coupe sombre, c'est moche. Parce que... Mais là, comment tu fais pour rejoindre l'artiste en lui disant ben, écoute, ce qu'on a fait ensemble l'autre jour, ben, ça pourra pas être diffusé, manque de temps. Ce ne sera pas diffusé là, à la date où je te l'ai promis. Mais bien évidemment, ce sera diffusé dans une date ultérieure. Je ne manquerai pas de te rappeler ce qu'on promettait, on le faisait. C'est professionnel. Ah non, mais ça, c'était pas. On ne perdait rien. Ouais. C'était un investissement quand même. Ah ouais. Donc on ne perdait rien. Ouais. On diffusait tout. Et lentement, tu es devenu un peu le confident de Pascal. Tu es devenu l'ami. Ouais, drôle d'ami, mais on est. Ouais, oui. Confident, oui. Comment drôle d'ami? Non, parce que je ne sais pas si je suis le meilleur des amis, mais en tout cas, je suis fidèle, c'est ça déjà. Mais je ne suis pas un très bon conseilleur. Mais voilà, il se trouve, quand il nous a annoncé sa maladie, j'étais là pour lui dire C'est un cancer? Ouais. En avril 2007, il nous a annoncé ça. Et je lui ai dit, je suis là. Parce que là, du jour au lendemain, de toute façon, c'était... On faisait les best-of de l'été et on mettait, on programmait tout ce qui n'avait jamais été encore programmé, tu vois. On a fait les fonds de tiroir. Hein. Ouais. Et sachant pas ce qu'il y aurait derrière, on avait une vague idée hein, quand même, mais bon, c'est ce qu'ils attendaient. Et je me propose d'aller avec lui, si tu veux, je suis là. Si voilà, t'as besoin de moi. Il me dit, mon garçon, d'accord, on part demain pour Morterolles, puisque c'était ça. Là. C'était dans le centre de la France, dans son Limoges, tant aimé, qu'il se faisait prendre en main, opérer. On part à la... Mais je te préviens, on n'aura pas beaucoup de temps pour parler chansons. Voilà ce qui m'attend, il me décrit les étapes. Oh là là. Voilà, et puis la chose s'est passée ainsi. Je suis passé presque 9 mois après lui, pas entièrement, puisqu'il y a eu ces périodes d'hospitalisation. Mais j'avais le triste privilège d'en aller tous les jours faire ses soins, ses rayons, ses chimios. Je rentrais quelques jours chez moi, puis après il me rappelait pour me dire « Est-ce que tu peux venir ?» On a disait en deux en alternance, hein, être près de lui, plus sa sœur. Et puis un jour, il me dit « Ce que je voulais près de moi, c'est un ami et pas un infirmier. » Voilà. Bon, là, tu as bien compris, derrière ces mots-là, ce dont il avait besoin. Donc il m'a dit « Rentre chez toi. » Rentre chez toi, arrivera ce qu'il pourra. Et toi, tu savais que ça sentait la fin? Oui, lui aussi. Et lui aussi, sûrement. Et 2 mois après, voilà, on apprend. Mais un drôle de privilège, quand même. Mais ce qui est scandaleux, c'est que la télévision a annoncé sa fausse mort. Oui, Jean-Pierre Elkabbach, notamment, ouais. Comment on peut arriver à cette connerie monumentale? Mais des gens rêvaient tellement que... Peut-être qu'ils étaient suffisamment assez contents pour l'annoncer comme ça. Alors, l'AFP n'a pas été très bien. Mais bon, ça a été... Il l'a entendu, lui, là, en plus. Là. Il... Ça, je ne sais pas. On dit qu'il l'a entendu, je ne peux pas le dire. Je ne pense pas qu'il, est dans, et qu'il était dans l'état 15 jours près, bien encore. Il était déjà dans un état comateux. Il était, voilà. Dieu merci. Non, il n'a pas pu l'entendre, évidemment. Il était à l'hôpital. Non. Et toi, quand tu l'as entendu, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis devenu fou. J'appelle sa sœur. Tout de suite, non, Didier, c'est une erreur. C'est une... Bon. Mais si on le dit, c'est qu'on n'en est pas loin, peut-être quand même. Puis, voilà. Quelqu'un a lancé ça en boutade comme une blague. Une blague très, très, très corrosive. Mais... Oui. Non, je crois que je pense que l'AFP savait qu'il était très mal. Tu sais, quand c'est comme ça, les papiers sont déjà prêts. Hein. Ouais. Et quelqu'un a dû envoyer fair play avant que... Ouais, ouais. Pas très fair play d'ailleurs. On avait... Chez nous, il y a un terme pour ça, c'est... les viandes froides. Préparer les viandes froides. Préparer les viandes froides, oui. Est-ce que ça... Ah ben ça me passe, oui, je vois ce que ça veut dire, oui. Ouais. Alors on prépare, exemple, la René Angélil avant sa mort, quand on a su qu'elle allait mourir. Bon, il y a des journalistes qui sont penchés sur sa rétrospective, sa biographie. Et quand il est mort, la cassette était prête. Préparer la nécro, c'est ça. Ben, voilà. C'est ça. Mm-hmm. On appelle ça la viande froide. La viande froide, ben oui. Vous avez des expressions toujours aussi justes. Oui, hein? Et aussi, aussi étonnantes. Étonnantes. Ouais. Et toi, ça a été une école, la chanson, ça a été ta vie, ça a été un divorce entre... Ah non, mais ça tu sais que j'ai... Reynald, honnêtement, à l'aube de mes 62 ans, je me dis que j'ai eu énormément de chance. J'ai fait tout ce que je voulais dans ma vie. J'aurais pu être milliardaire et plus connu, mais j'ai fait tout ce que... J'ai aimé, bouffé à pleines dents tout ce que j'ai vécu. Et 20 ans, à 20 ans, ça paraît long la vie, mais à 60 et plus, je t'assure, comment j'ai vécu, à quelle vitesse j'ai vécu, j'ai fait tellement de choses. J'ai vu tous les artistes, les vedettes que j'aimais, j'ai vu sur scène tous ceux que je rêvais de voir. Beko, Nougaro, Trainet, enfin tu vois, Francis Lemarque, Gréco, j'ai dit, c'était extraordinaire. Et certains se sont même souvenus de mon prénom, tu vois. Ouais, c'est touchant. Et ouais, c'était assez génial. Ouais. Et beaucoup de chance. Mais ça a été quand même. j'ai perdu un membre ce jour-là. Oui. Voilà, j'étais un vrai deuil que je ressens encore. Tu vois, juste là, je savais qu'on allait parler de lui, je pense, aujourd'hui. J'ai cauchemardé cette nuit parce que ce n'était pas joyeux. J'essaie toujours de relancer dans mes rêves l'émission. Oui. Et tu n'as jamais abandonné. Jamais abandonné. Non, mais non, parce que j'en ai fait. J'ai fait des numéros. J'ai retrouvé à une époque un ancien journaliste d'Alouette qui avait une petite caméra et montait son émission sur le web. On a fait quelques dizaines d'épisodes, plus après quelqu'un d'autre a voulu financer. C'était un peu trop ambitieux, ça n'a pas abouti, en tout cas on n'a pas pu faire suffisamment de numéros. J'ai pu en faire quelques-uns avec Pascal Danel. Là on tournait dans de très bonnes conditions en fond vert. Mais cette émission-là t'a permis de connaître des artistes, de connaître des lieux. T'es venu au Québec dans le cadre de l'émission. T'as rencontré Michel Richard, tu l'as connu. Michel Richard, et Michel Turlocal, enfin de chez vous. Oui, c'est ça exactement. C'était ça à l'époque, on la voyait. Oui, exactement. Oui. J'envoie Ginette Reynaud encore chantant sur les planches autour du Frontenac à Québec. Le château Frontenac, l'île d'Orléans aussi, où Félix Leclerc. Linda Lemay est enceinte jusqu'aux yeux et on l'avait appuyée sur un platane et un érable, pardon. Et elle était avec son perfecto, la petite qui était dans le ventre. Mais c'était vraiment une émission qui t'a fait reconnaître et connaître les artistes. Oui, mais en même temps, voilà, j'étais quelqu'un. Pour eux, quelqu'un qu'il valait mieux avoir comme ami, enfin c'est pas ça, mais oui j'étais devenu un peu essentiel pendant un certain temps, tu vois, c'est vrai que pour faire l'émission, peut-être qu'il fallait mieux me demander à moi, un conseil, bon, voilà, mais c'était pas fou. Ça m'a permis de les retrouver et de les reconnaître de manière très facile, quand en 2000... Pascal est encore vivant. Oui. Quand s'est lancé la tournée achetant des têtes de bois. Ah oui. C'était tous les chanteurs mais de l'émission. Aussi. On l'est là-bas. Oui. J'étais pas. Il y avait Denis Rousseau, il y avait Denis. Mais j'ai travaillé beaucoup sur les tournées, les croisières. Et puis toi, tu étais animateur. Je l'ai fait. J'ai chauffé la salle. Oui. Et c'était agréable. En plus j'adorais ça. Oui, c'est vrai que j'ai adoré, c'était absolument génial. Là, évidemment, quand tu te retrouves avec Isabelle Aubray, Sheila, Hervé Villard, la compagnie créole. C'était la troupe de l'époque. Ah, Didier était là, c'est bon, voilà. Bon, bah, ouais, évidemment. Planter une vigne prospère sur la terre où je dormirai. Mais je suis encore très solide et je le jure par Bacchus, puisque mon verre n'est pas vide, je veux chanter comme Rémus. Un petit verre de cliquot, c'est bien peu de chose, ça fait voir aussitôt la vie en rose. Ça me rend tout rigolo quand je suis morose. J'aime à chanter avec Margot la valse du cliquot, cliquot. J'aime à chanter avec Margot la valse du cliquot. C'était des fêtes continuelles. Ça va être bien, voilà. Pendant, avant puis après. Ah! Oui. Oui. Parce que c'était très grave. Ben oui, c'est parce que vous reviviez l'époque, la belle époque. Oui. Et les gens étaient là pour entendre ça. Ouais. Il y avait aussi des jeunes, il n'y avait pas juste des personnes. Mais non, parce que les. C'était les... très hétéroclite. Ouais, les grands-parents emmenaient leurs petits. Ah oui. Qui étaient très heureux de voir les chanteurs. D'avoir Nicoletta pour la. Ah ben. Bien sûr. Puis quelle voix aujourd'hui qu'elle a. Hein. Elle n'a rien changé, Nicole. Oh, quel rythme. Elle a une vie, je veux dire. elle a eu des exigences professionnelles et choix de vie qui ont fait qu'elle se donnait le choix et le droit de dire non à une proposition. Ouais, mais c'est, oui. Ils avaient été très amis avec Pascal à une époque. Et puis, à un moment donné, il y a eu un souci quand Pascal a repris la direction de Radio Montmartre. Qui maintenant est devenu MFM et puis Montmartre. Et il m'avait fait venir pour présenter une émission d'accordéon une fois par semaine. Bien. Mais il y avait soi-disant une blacklist. Des gens qui passaient trop souvent. Que Pascal avait fait une blacklist. Disons, je ne l'ai jamais vu, moi, on me dit ça. Je ne sais pas. Mais c'est connu, les légendes urbaines. Et un jour, je croise Nicoletta à l'Olympia. Elle était quand même spectatrice, comme moi, et moi, je la connaissais déjà beaucoup d'avant, autour de la radio. Tu fais où, mon chéri, tu travailles, tu fais quoi maintenant? Et je lui explique. Ne m'invite jamais dans cette émission, papa. Mais non, mais je voulais pas. Voilà. Merci. Ne m'invite jamais chez Sevran. Ce connard, il m'a mis sur une blague. Bon. Mince, non, je voulais parler métier, ça va pas le faire. Non. Et le lendemain, j'en parle à Pascal. Je lui dis, disons, j'ai vu Nicoletta hier. Attention, tu ne m'invites pas, hein. Après ce qu'elle a dit sur moi, tout ça, que je ne vois pas au bout du couloir, dans l'angle là-bas, le début de l'ombre du nez de son attaché de presse. En parlant d'attaché de presse, il y en a un qui est mort récemment, un très grand attaché de presse, le belge Eddy Després. Il était attaché de presse de Frédéric François, d'Annie Cordy, d'Hervé Villard, chez Tréma, tout ça. Grand attaché de presse. Salut Eddy. Donc, ça va très très mal. Et puis, de rencontre en rencontre, j'ai fait la balle de ping-pong entre l'un et l'autre. Et puis, l'espace s'est réduit jusqu'au jour. Et voilà, accepté. Et lui a voulu l'accueillir. Voilà. Et rassure-toi, il n'y a pas eu un mot pour moi. Comment tu vas, mon chéri, depuis le temps? Je suis content. Bah, voilà. Et moi, je me dis, merde, alors ils se détestaient il y a deux. Bon, tout compte fait. Non, mais c'est ça le métier. Mon chéri, mon chéri. Ouais. Il faut rapidement oublier. Il faut, mais oui. Ouais, c'est fou, hein. Voilà. C'est fou. Bon appétit. Merci à toi. On y va. C'est joli tout ça. Ben oui. Et toi, t'es pas trop bien. Non, de moins en moins, mais t'inquiète pas. Je suis pas malade. Hein. Non. Ça veut absolument rien dire, c'est un choix. Ah, c'est bien présenté. D'où, hein. C'est très joli, ça me plaît beaucoup. Cette cassolette de. Oui. Risotto, les gambas, tout va bien. Ouais, c'est joli. Et toi, ça filait? Ah oui, ça va très bien. Oui. Beaucoup d'encore, mais ça se termine aujourd'hui. Ben oui. Là, je m'en vais demain? Ben oui, mais faut bien partir pour revenir. Ah, donc tu comptes revenir? Ah ben, je reviens à chaque année. Oui, mais tu m'as écrit il n'y a pas longtemps. Oui, mais c'est ma dernière. C'est en 2024, quand mon passeport se termine. D'accord. Parce que je renouvelle plus mon passeport. Non? Non, je veux travailler plutôt à ma retraite. Ah! Parce que je veux pas travailler jusqu'à 65 ans. Et je veux m'arrêter un petit peu avant, peut-être à 60. Au Québec, vous travaillez jusqu'à 65? Pour le moment, 65. Pour l'instant, on y a échappé apparemment, mais provisoirement. Mais vous, c'est 65 aussi? 62. Ah, 62, oui. C'est sûr. Pour les gens comme moi qui ont commencé à travailler à 16 ans, je devrais partir à ce qu'on appelle à taux plein. Je m'en occupe, mais j'ai beaucoup de mal à déclencher la... Non, mais toi... Cette horloge-là, parce que il faut leur remonter la carrière, ressortir les bulletins de salaire. Mais il faut le faire, je vais devoir le faire. Ah oui, parce que je me semblais que quand tu étais dans le milieu artistique, c'était impossible de prendre sa retraite. C'était comme. Peut-être pour les. Allez, on va dire pour ceux qui, il y a quelques années, ont fait toute leur vie avec le cachet intermittent. Peut-être là, c'est très très compliqué. C'est les dates uniques, les retrouver, les papiers. Enfin, ouais. Quelqu'un d'organisé doit avoir tous ces. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'étais assez peu de temps. Intermittent du spectacle. Puisque bon, à l'Ouest, j'avais un contrat en CDI. Chez Sevran, j'avais un contrat en CDI. J'étais intermittent que lorsqu'il a repris Chanter la vie en 2007. Puis le boulot, est-ce que ça va bien ou si c'est encore aussi difficile? Moi? Ouais, de trouver quelque chose. J'arrête pas. C'est ce qu'il faut. Mais c'est passé plein de choses. on était à la disparition de Sevran. Les efforts que j'ai fournis pour recréer quelque chose sur le web qui s'appelait Génération Chanson. Mmh, ouais. Bon, après beaucoup d'années. Et puis, ça a dû s'arrêter. Et je suis parti, engagé par un croisiériste, programmer un bateau. Ah oui, j'ai dit programmateur sur un bateau, sur des croisières culturelles. Ça faisait tout le bassin méditerranéen. C'est bien ça. Donc selon les destinations, j'embarquais un conférencier. C'était culturel, donc il fallait comme il y a beaucoup de conférenciers. Puis des thèmes, des chanteurs locaux. On se pose sur une île grecque ou autre. Que tu rencontrais pour la première fois ou si tu avais déjà fait... Ah mais je faisais travailler mes relations et quand j'avais pas de relations, je m'en créais. Ok. Bon voilà, c'est CMD, mais ça c'est très facile. Ça a duré combien d'années? Ça a duré 3 ans. Et puis après, ça a changé. Ça a changé, il y a eu des soucis, ça s'est arrêté. Mais dans ce métier, de toute façon, il ne faut jamais viser. C'est jamais long terme, hein. Ça s'arrête. C'est fou, hein. Et là, je suis parti avec le producteur d'un stand des Têtes de Bois, mon ami Michel Alguet, lui aussi paix à son âme, grand, grand découvreur. Un mec génialement fou. J'étais si fière, triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de priser de la coco. Mais ça coûte cher tous ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive. Une locomotive avec aux lèvres arictus. J'ai fumé de l'eucalyptus. Dès lors, mon âme torturée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu, d'une main câline, couper le traître en petits morceaux, leur coller à la sécotine pour leur découper aussitôt. Mais je les mets en l'animal, alors pour pas lui faire de mal, j'ai brisé de la naphtaline, les cheveux hagards, l'œil hérissé, je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les narines, j'ai brisé de la naphtaline. Je fais là, Jésus-Marie, c'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de m'alléger la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon de Belloc, ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors, j'ai pauvre loc, essayer d'un autre exutoire. Car le pli sec, que j'ai pris le pli, et c'est tant pis quand le pli est pris. Je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aille moi. Je prends ma fringue et j'envoie ma ime. Alors il me pousse des ailes. Yop, yop, yop, yop. Je me pique à l'eau de Javel. Yop, yop, yop, yop, yop, yop, yop, yop, yop, yop, yop. Ouh, ouh, ouh, j'ai du chagrin. Il me dit un jour, c'était juste après la mort de Pascal, tu vas venir travailler avec moi, je t'emmène, tu vas présenter les valses de Vienne. Ah oui, oui, oui. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Ça c'est 2012, 2013. Oui, hein? Oui, c'est ça, jusqu'à 2015-16. Ouais. Et c'est ça. Et, oh, c'est bien ça. C'était, ouais, alors c'était concentré, hein, de la mi-décembre à la mi-janvier. Mmh. Et c'était, on faisait deux spectacles par jour dans les Zéniths de France, en tourbus, mon ami, avec des ambiances déchirées, absolument géniales. Je sais pas comment je dormais, je sais pas comment j'ai pu tenir. Et ça, j'ai fait ça 7 saisons de suite. Mais c'était épuisant. C'était. C'était épuisant. Oui, mais. Mais il y avait une espèce d'énergie. On se communiquait les uns aux autres, 60 musiciens, 30 danseurs, des changements de costumes à n'en plus finir. Représentation à 15h et 20h, et puis à 2h du matin, on embarquait de Dijon et on s'endormait à Dijon, on se réveillait à Clermont-Ferrand. Oh, c'est merveilleux. Et c'est troubadour. J'ai adoré ça. C'est bien de le vivre à 20 ans, mais voilà, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Hein. Oh oui. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai dû stopper. Ma maman est tombée malade. Mmh. J'étais presque 4 ans. Donc là, j'avais déjà regagné la Vendée depuis la mort de Pascal, en fait. Je vivais dans la maison familiale. Je me suis occupé de ma mère jusqu'à la fin. Ouais. Donc ça, voilà, ça a été quelque chose aussi. Voilà. Il y a toujours une fin, mais ça a été. Ouais. Enfin, oui. Toujours émotif. Une grande. Ouais. Grande expérience, enfin, que tout le monde vivra ou a vécu un jour, j'imagine. Et là, eh bien, j'étais dans cette grande maison, comment je vais faire, parce que je ne travaillais plus depuis quelque temps déjà. Il fallait que je me refasse la cerise, ben comme oui, on dit. Ben oui. Et, elle est bonne celle-là. Ah, c'est pas mal, hein. J'adore. Je te saoule, non? Pardon? Non! Je te saoule? Non, non, non, mais non! Mais non, on est ici pour avoir du plaisir, pour parler. Alors. Non, mais bien au contraire, c'est toujours agréable de se remettre au diapason. Donc, il fallait que je travaille beaucoup plus. Ben oui. J'avais pas la santé intellectuelle de relancer mes réseaux. J'ai tenté, ça ne marchait pas. J'ai vite compris que. Il fallait que. Non pas que je tourne la page, mais que. Tu penses autre chose? Je mette un marque-page. Ah ouais, ouais, ouais, c'est bon. Peut-être y revenir. Hein. Oui. Et il faut ouvrir le champ des possibles. Et je me suis retrouvé, c'était un 5 décembre 2018, me retrouver surveillant de nuit dans un foyer d'aide médicalisée. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Mais rien à voir, mon ami. C'est ça qui est génial. Le coup du grand écart. Je le connais, hein. Ah oui. Et. Et la personne qui m'a proposé ça, elle l'a fait parce qu'elle a vu que j'avais travaillé dans le spectacle, donc j'étais un garçon de la nuit, et que la nuit, raccourci chez elle, que j'allais sûrement pas dormir. Mm-hmm. Donc il ne faut pas dormir quand on est surveillant. C'est une connerie, parce qu'on dort aussi. Hein. On ne peut pas vivre sans dormir. J'ai travaillé 30 ans de nuit, je sais. Oh ouais. D'accord. Donc des nuits debout, tu vois ce que ça veut dire, nuits debout, et puis voilà, donc portant des soins juste pratiques à une population d'autistes, trisomiques, polyhandicapés, enfin, handicapements, invraisemblables. Combien d'années t'as fait ça? J'y suis là encore. Ah oui. Depuis le 5 décembre 2018. J'ai fait quelques nuits, ça m'a plu. Là-dessus, j'ai cherché un financement. C'est un financement européen pour que je me forme. J'ai dit, puisque je suis là-dedans, puisque vous êtes venu me chercher, vous allez me garder, je leur dis, moi je vais faire la formation, si vous voulez, on a dealé comme ça, et j'y suis encore. J'ai fait la formation. Est-ce que c'est aide-soignant? Non, SDN, surveillant de nuit. Alors, je sais tout sur le sommeil, les cibles du sommeil, tout ça. Je sais tout, voilà, mais. Également appris à les communications, les termes me reviendront, mais l'autodétermination des populations en situation de handicap, tu vois. C'est très difficile, on ne comprend pas tout de suite, c'est très long. Voilà, mais j'ai été formé et je fais ça, et je le fais. Je reprends jeudi, là. Pour deux nuits. Et je suis rentré dedans, j'étais déconstruit, je suis passé dans une machine à laver. Tu t'imagines, 40 ans d'artistique, et tout à coup tu te retrouves là. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai pleuré beaucoup, souvent, mais puis je me suis dit après tout, si j'en suis là, c'est parce que ma mère m'a permis d'approcher son corps, malade. Et je pensais déjà à Pascal quelques années plus tôt. Ouais. Ouais, c'était un retour. Tu vois. Et si je fais ça, c'était parce que voilà, elle m'a permis de le faire. D'avoir quelque chose de voir ça de manière positive en quelque sorte. Ce que j'ai fait. Et ben, maintenant je suis content de passer mes nuits avec ma collègue, mes collègues. Et c'est surtout une famille, c'est une famille. C'est une famille. Ça n'a rien à voir avec la musique, la chanson. C'est très. Ah non, mais rien à voir. Ah, évidemment, là-bas, moi j'étais un jukebox, quoi. Ouais. Je ne parlais qu'en titre de chanson, je leur lançais plein de trucs. Et ben, je crois que je suis pas mal apprécié. Mes collègues et puis surtout des résidents qui. Oh, Dieu. On réveille. Des résidents qui arrivent avec leur handicap et qui arrivent sur le point chaud du petit déjeuner. Didier est là, c'est Didier qui est là, c'est génial. Et voilà, c'est les difficultés de la nuit, les froids de la nuit, les luttes contre le sommeil de la nuit, tu les oublies très vite. Quand quelqu'un te dit, tu fais un gros hug parce qu'il est content. Putain, j'ai un fauteuil roulant, ça avait été compliqué. Et elle est contente de me voir. Et non, mais en plus, tu as travaillé dans un moment difficile. Oui. La COVID, le COVID avec le masque. Toi aussi, tu as travaillé avec le masque. Bien sûr, j'ai traversé tout ça. Est-ce que vous l'avez encore, le masque? Oui. Ouais. On l'a à nouveau. Ouais, on l'a repris. Oui, c'est ça. Il paraît que la bête revient. Oui. Oui, oui. Ben, elle n'a pas vraiment quitté, donc... J'avais pas de façon maintenant, faut faire avec. Mais bon, ça, il va falloir s'expliquer. En tout cas, je vais t'expliquer. C'est bien, au moins on n'a pas la gastro. Ouais, effectivement, ça c'est vrai, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais t'as pas mis de côté tout ce qui est musical, les fins de semaine, tu travailles... Non, j'ai pas mis de côté, j'ai mis en parenthèse. Et puis, il y a quelques temps, le producteur dont je parlais tout à l'heure, Michel Alguet, je redonne son nom, me dit, voilà, le Covid, ou la Covid, a fait en sorte que les gens n'iront plus dans des grandes salles. Enfin, voilà, tout ça a été ajustable, hein, évidemment, mais bon. Les gens ont été tellement éloignés qu'ils vont avoir envie à nouveau de se rapprocher. Et donc, j'ai monté un concept, me dit-il. J'étais déjà avec Natacha Saint-Pierre, notamment, chanter dans les églises. À la tienne, ben, ça à leur... la musique. À la musique, à la vie, à l'amour. À nous. Ouais. Et aux auditeurs. Ben oui, surtout de ces carrières. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Donc il me dit ce concept. Faire chanter dans les églises. C'est très facile. T'arrives le concept. Il suffit de trouver une église, tu viens avec le concept. Oui, enfin, le concept. Alors il a fait chanter depuis 2 ans. Laurent Voulzy, en église. Ah oui, t'as été le voir. Non, attends, justement, oh, c'est là où je reprends. Okay. Patrick Fiori, il y a Didier Barbolivien, Hugo Offray dans les églises, pour sa tournée d'adieu, 95 ans. Ah, je l'ai vu à Québec il y a 3 ans, et il te connaît. Un ado. Il te connaît. C'est pas... Oui, oui. Ben oui, j'ai parlé de toi. Ben oui. Je l'ai vu en coulisses pour les photos, tout ça, pour ma radio. Et puis... j'ai parlé de la chanson, j'ai dit au revoir. Ah, vous lui direz bonjour, comme ben si. Oui. Comme si ben oui, comme si on se tapait dans le dos. Ouais, quoi. C'est ça, exactement. Tous les jours. Ben oui, mais voilà. Mais c'est un, mais il a de la mémoire. Oui. C'est plaisant. Est-ce qu'il reste encore avec sa copine jeunesse, la petite jeune? Voilà, jeune. Je parle de la dernière, quoi, évidemment. Oui, c'est ça, 32. Oui, il est magnifique, elle est très belle. Oui, jolie brune. Oui, écoute. Exactement. Il n'est pas allé la chercher, elle est venue à lui, me dit-il. Ouais, c'est merveilleux. Non, mais le. Nous sommes nous pour vous. Il est. Surtout. Non, mais. Ces gens génèrent. Voilà. Il vieillit bien, ce bonhomme-là. Hein? C'est des boîtes à fantasmes. Par exemple. Mieux que Renault. Ah, ouais. C'est autre chose. Renault, c'est une autre histoire. Renault, de toute façon. Ouais, c'est un suicide. C'est un Rimbaud, ouais, un Verlaine. Ouais. Mais il s'étire un peu. Ouais. Mais j'aime pas son dernier album. Chers amis, si je vous. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.